Ces libertés sont portées au sein de la masse. Pas par plaisir, mais plutôt sous la menace. Ça me rend malade de retrouver la populace. Tout ce décor me file la gerbe et la chiasse. Hey. We'll be right back. maintenant entre Petion.